Étape 3. Quand vous aurez choisi l'audiolivre que vous souhaitez, vous pourrez le télécharger librement. Voici étape par étape comment il faudra procéder. Utilisez le lien du livre, faites D, puis patientez le temps du téléchargement, moins d'une heure normalement. Faites Entrée, puis une deuxième fois Entrée. L'archive de l'audiolivre se trouve alors dans le dossier Lynx, placé habituellement dans Program Files. Ouvrez-le, puis utilisez la fonction Shift combinée avec E. Enfin, faites une dernière fois Entrée. Et voilà, l'audiolivre est sur votre ordinateur, sous forme de dossier contenant un ou plusieurs fichiers MP3, ainsi que la pochette et le rond de CD si vous voulez graver l'audiolivre. À présent, pour accéder à la bibliothèque, utilisez le lien de la page.